Désormais, la vie qu'on menait chez les Verdurin, et qu'il avait appelée si souvent « la vraie vie », lui semblait la pire de toutes, et leur petit noyau, le dernier des milieux. « C'est vraiment, disait-il, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte Auguste ne se réfère aux Verdurin. » Mais, comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore aux Verdurin n'auraient pas suffi, même s'il les avait vraiment possédées, à provoquer chez Swann cette ivresse où ils s'attendrissaient sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette. De même, l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui aux Verdurin, aurait été impuissante s'il n'avait pas invité à un dîner à Chatou Odette, avec Forcheville et sans lui, à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie.